penser à Enya, les sons qu'il a. J'aime bien. Non, non, mais moi je suis la batterie et le keyboard. Je me cale dessus, j'essaie de trouver des chansons qui arrivent à se bidouiller dessus.